La direction d'édition des Timbres d'Étain a fait paraître un timbre reflétant le climat de l'époque animé par la campagne de 200 jours destinée à appliquer la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.